Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce journal en langue française de ce jeudi 14 octobre 2021, dont voici les principaux titres. Les éleveurs de la province Muyinga, ayant le bétail en nombre élevé, peuvent l'acheminer vers les marchés. Ce sont les propos du gouverneur de cette province, Jean-Claude Batungwanayo, qui le dit au moment où certains de ses éleveurs indiquent avoir du mal à mettre en application la stabulation permanente. Certains rapatriés de la commune Busoni de la province Kirundo, c'est au nord du pays, gèrent mal le paquet retour qui leur est octroyé. C'est ce que déplore Godeliev Manilakidza, la représentante légale de l'Association des femmes rapatriées au Burundi. Elle propose des formations entrepreneuriales à cette catégorie de personnes. Vous l'entendrez dans ce journal. Au sommaire également, c'est cette surpopulation carcérale au cachot de la police judiciaire de Ngozi qui est inquiétant. 130 détenus pour une capacité d'accueil de 30 personnes. L'Association de défense des droits des prisonniers compte contacter le procureur pour désengorger ce cachot. Voilà pour l'essentiel de ce journal mis en onde par Eric Ouimana. Et à la présentation, vous êtes avec Raissa Liliane Inamahoro. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. Les femmes qui sont dans les différentes institutions ont un grand rôle dans la lutte contre la corruption au Burundi. Cela a été dit par l'expert dans la lutte contre la corruption lors d'une formation relative à la lutte contre la corruption qu'il a donnée aux femmes défenseurs des droits de l'homme. Les bénéficiaires de ces formations font savoir que ces enseignements leur seront utiles dans le processus de lutte contre la corruption. Les détails avec Marie-Claire Kadzeneza. Lors de cette formation relative à la lutte contre la corruption qui a été organisée pour les femmes défenseurs des droits de l'homme, Juvenal Kwizera, expert dans la lutte contre ce fléau, a précisé que les femmes leaders jouent un grand rôle pour lutter contre la corruption. Les femmes ont aussi en capacité d'exercer des métiers ou d'occuper des fonctions où ils peuvent décider au même niveau que les hommes. Et comme vous le savez, les femmes sont dotées d'une sensibilité maternelle et ce sont les gestionnaires dans leur ménage sont plus à même à bien gérer la chose publique pour qu'il n'y ait pas de corruption. Francine Douimana, l'une des bénéficiaires de cette formation, indique qu'elle leur sera utile dans le processus de lutter contre la corruption. Je vais donc recevoir ces renseignements en rapport avec la lutte contre la corruption. Je vais contribuer dans ce processus de la lutte contre la corruption en s'exerçant de ne pas donner ou demander cette corruption parce que la corruption elle est la cause de nos développements du pays. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, on demande d'abord ceux qui sont chargés de la justice de prendre en main les conflits que les gens vivent maintenant pour les réconcilier dans la liberté et dans les dignité. Pour juguler d'office la corruption dans les institutions étatiques, cette dernière demande aux femmes qui sont dans ces institutions de montrer un bon exemple en dénonçant tous les actes de la corruption qui se manifestent dans leur milieu de travail. Marie-Claire Kadzeneza, je vous le disais dans les titres, l'Association des femmes rapatriées au Burundi propose la formation entrepreneuriale pour les rapatriés qui regagnent le pays. Godeliev Manilakidza, représentante de cette association, réagit après qu'il ait été constaté que certains rapatriés de Busoni en province Kirundo ont mal géré le paquet retour qui leur est donné. Et selon elle, seul l'octroi du paquet retour ne suffit pas. Suivez Godeliev Manilakidza, représentante de l'AFRABO. Il faut chercher à sensibiliser ces réfugiés avant de rentrer et leur montrer, leur informer qu'ils vont avoir de l'argent et leur préparer pour exploiter cet argent. Sinon, cet argent devient la source des conflits familiaux. C'est mieux d'avoir un programme d'exploitation de cet argent pour les aider à faire une réintégration socio-économique. Il faut transformer cet argent en un capital entrepreneurial pour que cette somme les aide à faire des projets générateurs de revenus. Et comme ça, ces rapatriés peuvent bien se prendre en charge économiquement et mieux vivre dans le pays. Ces rapatriés peuvent apprendre à partir de l'expérience des autres qui se sont rapatriés il y a des années. Ils peuvent apprendre de l'expérience des autres et initier aussi des activités génératrices de revenus qui peuvent les aider à bien se réintégrer dans les communautés. Et ils peuvent aussi commencer à faire l'épargne comme les autres l'ont fait et comme ça avoir un capital très suffisant pour pouvoir faire une activité pareille. Donc, nous voulons aussi les aider à exploiter ce paquet retour. Poursuivons ce journal à 13h passé de 2 minutes sur la radio Isanganiro. La femme rurale de la province Kayanza fait savoir que bien qu'elle soit contrainte à exercer beaucoup de travaux ménagers, elle se réjouit toutefois du pas franchi en ce qui est de l'autodéveloppement. Venuste Nduimana, conseiller du gouverneur à Kayanza, chargée du développement, fait savoir que la femme rurale à Kayanza participe activement au développement de son ménage en particulier et celui du pays en général. Les détails avec notre correspondant Patrick Senguiyumba. Les femmes rurales de la province Kayanza disent qu'elles sont confrontées à beaucoup de responsabilités dans leur ménage, surtout selon elles, une grande participation dans l'exercice des travaux ménagers, dont principalement les travaux champêtres, la recherche du bois de chauffage, prendre soin des enfants pour ne citer que cela. D'après les femmes rurales à Kayanza contactées à ce sujet, elles nous ont fait savoir que dans certaines localités de la province Kayanza, il s'observe encore des hommes qui laissent seules les femmes s'occuper de différentes tâches ménagères, bien que selon toujours elles, ils ne soient pas en grand nombre comme c'était le cas ces dernières années. Pourtant, malgré différents défis auxquels fait face la femme rurale en province Kayanza pour s'autodévelopper convenablement, plus d'une parmi elles disent se réjouir du pas déjà franchi en ce qui est de l'épanouissement de la femme rurale à travers les coopératives et les associations de développement. Beaucoup de ces femmes rurales à Kayanza regroupées au sein de différentes coopératives de développement dont celles exerçant des activités agropastorales et commerciales, et les indique que la femme rurale d'aujourd'hui ne dépend plus en tout de son mari comme celle de ces dernières années. Au niveau de l'administration provinciale à Kayanza, l'on encourage la femme rurale à continuer à prendre une part active dans le développement de son ménage et celui du pays. Venuste Nduimana, conseiller du gouverneur en charge du développement en province Kayanza, appelle les hommes et les associations en charge d'appuyer la femme rurale à se développer, à soutenir beaucoup la femme rurale dans son développement. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Et oui, après Kayanza, rendons-nous en province Muyinga. Certains éleveurs de cette province disent avoir du mal à mettre en application la politique de stabulation permanente entrée effectivement en vigueur le 4 octobre courant. Le gouverneur de la dite province informe que ceux qui ont un nombre élevé d'animaux domestiques dans les étables les écoulent vers les marchés. Jean-Claude Balutkwanayo rassure qu'il n'y a pas de vaches qui sont vendues en Tanzanie. Mireille Kanyange nous fait le point. Jeanne-Françoise Zebangirinama habite la colline Kinyota en commune Muyinga et trouve difficile la mise en application de cette politique. Sans pâturage, dit-elle, ça demande également beaucoup de moyens. Toutefois, elle fait savoir que cette loi était respectée. Stani Hakizumukama, lui, affirme avoir planté des herbes fourragères, mais que ce qui reste ne fera pas long feu. Sur ce, le gouverneur de la province Muyinga informe que cela reste un problème pour ceux ayant de petits lopins de terre. Contrairement aux éleveurs d'autres provinces qui préfèrent diriger leurs troupeaux vers les pays voisins, Jean-Claude Balutkwanayo parle d'un mouvement inverse dans sa province. À ce qui nous concerne ici à Muyinga, nous ne voyons pas de personnes qui acheminent leurs troupeaux ou bien qui vont vendre leurs vaches à l'extérieur du pays. Au cas contraire, nous trouvons beaucoup de vaches qui proviennent des provinces de Chamuzo, étant donné que dans ces provinces, il y a beaucoup de vaches, comme d'habitude. Mais le problème que nous avons, ce n'est pas cela. Le problème, donc, c'est d'avoir beaucoup de vaches, mais qui ne produisent pas. C'est pour cette raison donc, que nous invitons à la population, surtout pour ceux qui ont 10 vaches locales, de les vendre et à chercher 2 ou 3 vaches de l'as améliorer. La loi portant stabulation permanente est entrée en vigueur le 4 de ce mois d'octobre, 3 ans après sa promulgation, une loi qui prévoit des préalables en son article 36 visant sa mise en application. Merci Mireille Kanyangé. Plus de 130 détenus sont incarcérés au cachot de la police judiciaire de Ngozi, alors qu'il n'a qu'une capacité d'accueil de 30 personnes. Certains détenus relaxés témoignent des conditions de détention précaires et craignent même des maladies. Le représentant légal de l'Association de défense des droits des prisonniers et de leurs familles, Jean-Marie Chimilimana, envisage contacter le procureur afin de désengorger ce cachot. Le point avec Apollinaire Muzagara. Plus de 90 détenus préventifs, sans compter 44 adeptes des édits, étaient locataires de son cachot sur Mercredi. Ils sont bousculés à la cour intérieure de son bâtiment. Ces prisonniers ont lutté sur la planche, à entrer tous dans son cachot, d'après certains récemment libérés, chose acceptée même par des policiers qui travaillent. Ces policiers disent être dépassés par ces effectifs, d'où ils parlent de sérieux problèmes de gestion de ces prisons. Une vingtaine ont été récemment transférés à la prison pour hommes et celle pour femmes d'Ngozi, envie de les engorger au cachot, mais d'autres ne cessent d'entrer, car tous les cachots des 9 communes que compte la province Ngozi transfèrent leurs détenus à ce petit local en attendant leur jugement, déplorent-ils. Ces hommes en uniforme et même ces détenus récemment relaxés traînent pas mal de maladies, sans oublier le coronavirus, si rien n'est fait pour désengorger ce cachot. Le représentant local de Nawariza, Jean-Marie Chimilimana, dit qu'il envisage en parler au procureur de la République en Ngozi afin d'y remédier avant qu'il ne soit tard. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Poursuivons ce journal par cette actualité en bref. Les commerçants qui vaquaient à leurs activités dans l'ancien marché de Kamenge, déplacés tout près du centre jeune Kamenge dans le quartier Songa, se plaignent. Ils indiquent que depuis qu'ils ont été déplacés à cet endroit, ils travaillent à perte. Ils soulignent également qu'ils ont peur que leurs produits pourront s'abîmer, surtout que la saison des pluies approche. Il demande aux responsables de tout faire pour les ramener dans le marché nouvellement réhabilité, surtout que la reconstruction de ce marché semble terminée. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Les responsables administratifs de la province Karoussi s'inquiètent des cas d'infanticide et avortement qui se remarquent ces derniers jours, ce qui a été indiqué par le gouverneur de cette province au mercredi. Et ce dernier demande aux administratifs à la base un suivi des femmes et filles enceintes dans la localité dont ils sont responsables. N'est-ce pas Blaise Pascal Karoumier? 4 cas d'infanticide sont rapportés dans la commune de Bougenyuzi, province Karoussi, dans une période d'un seul mois, le mois passé. Le responsable du centre de développement familial et communautaire affirme être au courant de 3 de ces cas, et de même que l'administrateur communal, Jacques Mouchouinore. Tous affirment l'arrestation de 2 présumés accusés à traduire devant la justice. Et les 2 responsables signalent que les enquêtes continuent pour ces cas rapportés. Le gouverneur Karini Mbarushima a confirmé ce mercredi lors des cérémonies de commémoration de l'assassinat du prince Louis Gwagasore, héros de l'indépendance du pays, que les cas d'infanticide, abandon des enfants et avortement sont remarqués ces derniers jours dans certaines localités de la province et que ces cas sont très inquiétants. Profitant de cette occasion, Madame la gouverneure demande aux responsables administratifs à la base l'identification des femmes et filles qui ont des grossesses et les suivre de près. Le gouverneur explique qu'il a été remarqué que de tels cas sont constatés dans les familles dont les chefs de ménage sont allés chercher du travail loin de leur famille, dans d'autres provinces ou bien à l'extérieur du pays. Il demande aux instances habilitées de traduire devant la justice tout présumé coupable afin d'arrêter son comportement. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. Et oui, bouclons ce journal par cette page internationale. Au moins 3 personnes ont été tuées et 20 autres blessées ce jeudi lors de tirs pendant une manifestation organisée à Beyrouth par les mouvements chiites Hezbollah et Hamas pour exiger le limogeage du juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de la capitale libanaise, selon les sources médicales. Et selon le Hezbollah et Hamas, les tirs sur les manifestants sont l'œuvre d'hommes armés situés sur des toits et visés les têtes des protestataires. Les deux mouvements demandent à l'armée d'intervenir rapidement pour arrêter les auteurs de ces actes. Voilà, point final à ce journal. Mais avant, permettez-moi de vous faire ce rapide rappel de ce qui était l'essentiel. Les éleveurs de la province Muyinga ayant le bétail en nombre élevé peuvent l'acheminer vers les marchés. Ce sont les propos du gouverneur de cette province, Jean-Claude Batungwanayu. Et certains rapatriés de la commune Busoni de la province Kirundo, Germal, le paquet retour qui leur est octroyé. C'est ce que déplore Godelieve Manila Kiza, représentante légale de l'association des femmes rapatriées au Burundi. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que prend fin ce journal qui vous a été présenté par Raissa Liliane Inamahoro. Merci à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. La suite de nos programmes, c'est tout de suite.